La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, M. Junior Junot, est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet qui vous invite à faire un trou d'un coup avec son vaste choix de camions, de voitures neuves et de voitures d'occasion pour tous les budgets. Saint-Félicien Chevrolet, 762 Boulevard Sacré-Cœur, Saint-Félicien, 418-679-1605. Tout le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent une bonne saison à tous les golfeurs et toutes les golfeuses. On va parler de la chronique du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean avec notre ami Junior Junot. C'est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet. Salut Junior! Salut Danny. Junior, il y avait la traditionnelle Omnium Dolbeau Saint-Prime. Évidemment, avec la saison bizarre qu'on connaît, d'habitude c'est en juin, ça. Mais là, finalement, c'était en fin de semaine. Je pense que j'ai vu ça sur les médias sociaux, encore une fois, un grand succès. Oui, samedi, dimanche, malgré que samedi, ici, là, nous autres à Saint-Prime, on a été dans l'obligation de canceller la première ronde. La première ronde était chez nous, là, puis compte tenu là, des. La semaine dernière, les pluies, puis un orage en fin de journée vendredi. Alors, c'était impossible pour nous d'autoriser là, les voiturettes, les cars, comme on appelle, là, sur le terrain samedi. Puis compte tenu que là, il y a des joueurs qui sont peuvent pas jouer sans voiturette, ils peuvent pas marcher. Fait que ça fait en sorte que là, on était dans l'obligation malheureusement d'annuler, ce qui fait que ça s'est déroulé sur une journée. Le tournoi s'est déroulé sur une journée, 18 trous, hier au club de golf de Dolbeau. OK. Donc, c'est qui les gagnants? Est-ce que tu l'as? L'équipe gagnante était celle du capitaine Serge Moreau. OK. Il a emporté en prolongation contre l'équipe de Marcel Bussière. Pour l'emporter là, au deuxième trou de prolongation. OK. Donc ça a bien été. Oui, la température était belle, un beau succès. Ouais. Encore plus de 80 joueurs qui étaient présents. Fait que non, d'année en année, là, comme tu l'as dit tantôt, la tradition se poursuit. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine depuis quelques semaines? On peut noter un trou d'un coup samedi dans la journée. Là, le bon vieux Denis Gill là, qui est allé d'un trou d'un coup chez nous au trou numéro 12. Okay. Ensuite de ça, ce qui s'en vient au courant de la prochaine fin de semaine, ça va être le championnat du club, la deuxième édition. Déjà? Déjà, c'est pas drôle à dire, mais on est déjà rendu à la mi-août. Fait que le championnat du club en compagnie de, comme on a fait l'année passée, là, c'est une deuxième année, la formule avec Dolbeau aussi, là, une journée ici, une journée à Dolbeau. Okay. Fait que, on s'attend encore une fois à une excellente participation. Puis par la suite, là, nous, là, on aura le tournoi, là, bénéfice qui va avoir lieu, qui aura lieu le 22 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Jacques Tanguay. Jacques Tanguay, c'est un gros coup ça que vous avez fait là, c'est un bon coup. Oui. Très bon coup. Jacques Tanguay qui est une figure très populaire à Québec, qui est une personnalité, je ne sais pas si c'est le président des remparts, c'est ça, ou le propriétaire des remparts, c'est sûr? Le président, je pense que c'est, les remparts maintenant appartiennent, si je ne me trompe pas, à Vidéotron. Oui, Québécois, oui. Québécois, c'est ça, ouais, ouais, c'est en plein ça. Le 22 août, c'est ça? Oui, samedi le 22 août, M. Tanguay va être ici pour notre tournoi bénéfice. OK. Fait que, grosso modo, là, c'est les activités là, au courant des. On a aussi, là, normalement, là, c'est toujours une question de température. La semaine passée, c'est annulé, mais le jour du senior, là, qui le mercredi, là, des genres de ligue amicale là, qui débutait la semaine passée avec des joueurs de. D'âge senior, fait que compte tenu là, du fait que le circuit régional senior cette année était cancellé à cause de la COVID, ben là on a décidé là, d'y aller là, de cette petite ligue-là. Là. Fait que grosso modo, c'est là que nous en sommes là, dans nos activités. Là. Nous, c'est ça là, ce qui nous a été notre fait marquant, c'est plus la pluie qu'on a eue au courant des dernières semaines, là, particulièrement la semaine passée, là, avec qui nous a obligés de fermer. Là. Mettons, c'est rare qu'on voit ça. 4 jours consécutifs sans voiturette sur le terrain, je pas sûr que ça s'est déjà vu, mais que voulez-vous? Oh, ça fait partie de la vie. Ouais. Bon, ben, y a-t-il des trous d'un coup? Y a-t-il quelque chose de. Ben, il y a des trous d'un coup, je te l'ai dit tantôt, Denis Gill, là. Oui, oui, c'est sûr, oui. Mais okay. C'est ça, il n'y en a pas eu d'autres, là. OK, OK. Dis-moi aussi si on parlait un peu des promotions. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a Pour le moment, non, pas de promotion. Ben, c'est sûr que ça va bien. Phil Desgagnés disait que 17% d'augmentation au club de golf de Chicoutimi. Est-ce que vous autres, est-ce que vous avez eu quelque chose dans ce vent? Ça ressemble pas mal à ça ou il y a encore trop de bonheur pour. Bon, j'ai pas eu les chiffres du mois de juillet encore pour le moment, mais ça devrait ressembler, selon moi, aux alentours de 15%. Là, on doit être au moins 15% d'augmentation là, par rapport à l'année passée au niveau des parties jouées. My God, que c'est... Entre 15 et 20%. Là. Au ouais. moins, ça va aider, évidemment, ça va aider avec toutes les pertes de revenus que vous avez. Il n'y a pas eu de mariage, il n'y a rien eu d'autre. C'est sûr que ça le nuit beaucoup. Le bar, ça n'a pas commencé tout de suite. Aussi, ça aussi, c'est ça peut aider au moins d'avoir une augmentation. Et le mois de septembre, c'est là la différence aussi, hein, entre un surplus et un déficit. Ah, aussi. Ben c'est sûr que le mois de septembre, là, c'est un mois qui peut être bien intéressant, comme il peut être très ordinaire. T'sais, on ouais. est dépendant de la température, il ne faut pas se cacher. Là. On l'a vu d'ailleurs, nous autres, là, au courant de la semaine passée, mais quand la température est belle, l'achalandage jusqu'à présent est là. Mais que veux-tu, là? Ce côté-là, on ne peut pas contrôler dame nature, fait qu'il faut faire avec, comme on dit. Exactement. Ben, Junior Junot, un gros merci, au plaisir de se reparler. Et on rappelle que cette chronique est une commandite de Saint-Félicien Chevrolet.